Yes, I. Yes, I. Yes, I. Mais je n'ai pas tué son brigadier. Oh non, non. J'ai tué le commissaire. Mais je n'ai pas tué son brigadier. Partout à travers mon beau pays, ils ont mis ma tête à prix. Parce qu'ils veulent la main qu'ils payent pour la mort d'un pauvre brigadier. Trois voix tuées, un pauvre brigadier. Mais je jure, j'ai tué le commissaire, mais je n'ai pas tué son brigadier. J'ai tué le commissaire, mais j'étais en légitime défense. Commissaire John Brown m'a toujours haï. Pourquoi? Je ne sais vraiment pas. Mais chaque fois que j'ai planté une petite graine, il me dit tu l'as avant qu'elle ne pousse. Il me dit tu l'es toute avant qu'elle ne grandisse. C'est pourquoi j'ai tué le commissaire, mais je n'ai pas tué son brigadier. Oh non, non. J'ai tué le commissaire, la peine capitale sera ma sentence. Un jour je me suis senti si libre, j'ai voulu quitter la ville. Quand soudain j'ai vu commissaire John Brown, il essayait de froidement me liquider. Il voulait tout simplement m'exécuter. Mais tant pis pour lui, c'était moi ou lui. Si je suis coupable, je vais payer. J'ai le commissaire. Oh Lord. Et je n'ai pas tué son brigadier. Où est-elle le brigadier? Oh non, non. Le commissaire, mais j'étais en légitime défense. Les réflexes font partie de moi. Adviendra que pourra. À force de tirer sur la corde, tôt ou tard, elle finit par casser. Un jour ou l'autre, elle finira par casser. Et j'ai tué le commissaire, mais je n'ai pas tué son brigadier. Oh non, non. Où était le brigadier? Je n'ai pas tué le brigadier. J'ai tué le commissaire. J'ai tué le commissaire. Je n'ai pas tué son brigadier. Qu'on se le dise une fois pour toutes.